l'agonie, livre 2, chapitre 20. Un grand tumulte au dehors de chevauchée. Une porte s'ouvrant et, en un fracas de prétorien le portant, Attilius s'évanouit, une large blessure à la tête, une blessure exprimant un sang rouge qui atteint son casque et sa cuirasse. Abara accourt vers Attilia et Madé, encore couchés dans l'atrium, sous le regard du singe stupéfait, du paon qui éploie sa queue cascadante et du crocodile dont la gueule a crevé de l'eau du bassin, inquiètement. « Levez-vous, levez-vous, voici Attilius !» Attilia veut se lever, mais Madé la retient. « Non, reste, la mort avec toi, par Attilius plutôt !» Abara le soulève des bras. Attilia se dégage, mais pas assez rapidement pour que les prétoriens, emplissant l'atrium, ne les voient, lui, nu, elle, la gorge défaite, une sandale égarée au loin, et Abara essayant de les couvrir de sa palla protectrice. Attilius ouvre les yeux. Il agite les bras, essaie de parler, cherchant à rassembler l'être qu'il y a encore en lui, aux souvenirs montant confusément en apparence de Madé, dont il est amoureux, de Madé que, pour mieux conserver à sa passion, il a tenu loin de tout, des hommes et des femmes, du palais des Césars et des jardins de la vieille Espérance. Le gardant en sa maison des carènes, comme une fleur merveilleuse en un vase exquis. Il comprend tout, en une rapide divination qui le fait assister à l'acte sexuel. Il s'élance sur Madé, son front déchiré de lambeaux de chair qui saignent. « Toi, mon aimé, consacré au soleil, et que je voulais androgyne !» On le dirait fou. Il rit. « Ah, Attilia, toi, ma sœur, se donner à celui qui est à moi !» Les deux mains à sa blessure. « Pendant que je recevais ce coup, celui de la mort peut-être !» Il s'avance plus près de Madé, qui, n'essayant pas de fuir, le regarde très calmément. « Tiens, vois, est-ce toi qui me guériras maintenant ?» Et il lui montre obstinément sa blessure, reçue dans l'épouvantable dispersion de l'émeute, au moment où Attilia se sauvait avec Abara, et durant une furieuse charge, passant sur des milliers d'hommes qui barraient le palatin. Attilius a vaincu, mais une pierre, de loin lancée, a écrasé son casque, brisé la jugulaire, mêlé au métal et au cuir des caillots de sang. Alors des prétoriens l'ont apporté à sa maison des carènes. Il prend les mains de l'affranchie, la tire à lui, nerveusement. « Dis, dis que tu n'as pas usé d'elle, dis que tu es resté ce que tu étais. » Madé, restant muet, « Tu ne réponds pas. Attilia va me répondre, elle, ma sœur. » Attilia veut se dérober. Il la saisit par le poignet. « Ici, ici, à la face de tous, tu vas le dire. » Les prétoriens essaient de l'entraîner, indulgents pour ce désespoir qu'ils ne comprennent pas, étonnés de cet adolescent nu, de cette jeune fille à la stola écartée, et de cette Éthiopienne qui a tenté de les cacher. Mais il résiste vivement, comme sous un coup de folie terrible qui injecte ses yeux de sang. Alors Attilia, tout émue, l'étreint, sanglotante, secouée, délirante, endolorie. « Oui, oui, pardon, je ne savais pas. Laisse-le, laisse-le, c'est ma faute !» Elle lui dit « Laisse-le », sachant que son frère a tout pouvoir sur Madé, qu'il peut le tuer ou le vendre, semer ses eaux par la campagne de Rome ou le jeter aux crocodiles. Non, non, cela ne sera pas. Et elle le supplie, et elle l'amollit, lui confessant l'acte en mots entrecoupés, en s'accusant seule, acquittant Madée de tout. De la pitié et de la terreur s'exhalent d'elle, sur le sein d'Attilius, où du sang de la blessure a coulé. Ah, tu ne veux pas que je le jette au crocodile, crie-t-il. Tu ne veux pas que je le tue, qu'il s'en aille alors. Va-t'en, fait-il à Madée, va-t'en, que le soleil n'ait plus de prêtre en toi. Va-t'en, que je ne te vois plus. Va-t'en, que ta face ne se présente plus à moi. Qu'ai-je à faire de toi? Je suis frappé, à mort peut-être, et je mourrai seul, et tu ne seras pas là, et je ne t'appellerai point mon aimé, mon adolescent, mon androgyne. Va-t'en, et tu riras librement de ton maître, et tu t'amuseras avec des prostituées, comme tu t'es amusé d'Attilia. Je ne t'en empêcherai pas. Et toi, sœur, rejoins-le, qu'il vive avec toi. Moi, je ne veux plus vous voir. Je veux rester seule, seule ici, à mourir sans vous. L'Empire n'ira pas loin maintenant que je suis frappée et que Madée m'aura quittée. Et surtout qu'il ne revienne plus. Ou je le jetterai de mes deux mains au crocodile, celui qui a souillé ma maison. Partez, partez, traversez Rome, toi la sœur d'Attilius, toi l'aimée d'Attilius. Vivez à Rome ou ailleurs, je ne vous poursuivrai pas. Je ne veux plus de vous. Partez, partez !» L'affranchi ne remuant pas, il le veut frapper. Mais le Janitor pousse Madée vers sa loge. « Viens, tu retourneras sa colère passée. Habille-toi vite et pars. Si tu as à me voir, frappe deux fois. Je saurai que c'est toi et je t'ouvrirai. Et tu le reverras. Il te pardonnera. » Et le Janitor, qui s'est attaché à Madée, autant par sympathie que par pitié, lui donne une toge à lui, un bonnet brun, des sandales de bois, un vêtement grossier d'homme du peuple, trop grand pour sa taille. Madée se revêt lentement, avec le sourd désespoir de n'avoir pas reçu un coup mortel d'Attilius, que maintenant prétoriens et esclaves emportent, évanouis en une crise suprême, pendant que Madée pousse des cris déchirants. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Et cependant je ne suis pas coupable, mais la nature plutôt. Car Janitor, j'ai été homme, et la femme s'est adressée à mon sexe qu'Attilius croyait neutralisé. Est-ce que je l'ai voulu? Je m'en vais vivre librement et pauvrement, en homme. Adieu, adieu, Janitor, je vais chez mon frère Gaël. Adieu, adieu, Attilia m'oubliera, et Attilius aussi, si sa blessure n'est pas mortelle. Cela devait arriver, et longtemps je songeais qu'ainsi serait la fin, car ni lui, ni moi, ni elle ne pouvions vivre ainsi. Et maintenant que croule l'Empire, que le monde salue un autre empereur, au besoin je retournerai avec Gaël, tu sais, au pays syrien. Je suis libre. Adieu, adieu, Janitor. »